à 18. Suggestions. اقتراحات. Écoutez et répétez. Allons au cinéma. لنذهب إلى السينما. Prenons une tasse de café. لنشرب فنجان قهوة. Mettons la télé. لنشعل التلفزة. Fumons une cigarette. لندخن سيجارة. Allons marcher un peu. هيا نمشي قليلا. Allons travailler. هيا إلى العمل. Pourquoi ne partons-nous pas maintenant ? ولما لا نسير الآن ? Pourquoi ne lui dites-vous pas la vérité, Leïla ? ولما لا تقولين له الحقيقة ? Pourquoi n'achetez-vous pas une voiture neuve ? ولما لا تشتري سيارة جديدة ? Et si nous allions rendre visite à Mohamed ? ما رأيكم بزيارة لمحمد ? Et si nous dînions maintenant ? ما رأيكم لو تعشينا الآن ? Et si tu te taisais ? حبذا لو تسكت ? Et si on se levait de bonne heure demain ? حبذا لو ننهض باكرا غدا. Et si on allait à la campagne ? ليتنا نذهب إلى الريف. Nous pourrions dîner au restaurant. يمكننا أن نتعشى في المطعم. Nous pourrions regarder un film à la télé. يمكننا أن نشاهد فيلم على التلفزة. Ne pourrions-nous pas jouer au tennis après le déjeuner ? ألا يمكننا أن نلعب بالتنس بعد الغداء ؟